l'enfant qui est né ce soir, inconnu des grands de la terre. Quel est l'enfant qui est né ce soir, que les pauvres ont voulu recevoir? Il se fit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il se fit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Quel est l'enfant qui est né ce soir pour changer la nuit en lumière? Tout joyeux comme un feu dans le noir. Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Quel est l'enfant qui est né ce soir au-delà de toute frontière? Quel est l'enfant qui est né ce soir, sinon Dieu? Notre vie en espoir. Oui, il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Oui, il suffit d'un enfant. dans ma vie. Rien ne te remplace, rien ne te remplace dans ma vie. Rien ne te remplace, rien ne te remplace dans ma vie. Rien ne te remplace, rien ne te remplace. J'ai connu les joies de ce monde, des plaisirs éphémères, mais rien ne te remplace. Oh, j'ai connu les richesses de ce monde, Salomon peut le dire, mais rien ne te remplace. Tu n'as pas ton égal, ni dans les cieux, comme sur la terre et partout ailleurs, Seigneur. Rien ne te remplace. Bien souvent dans la vie, il nous est arrivé de mettre au devant nos challenges, nos objectifs personnels. Oh, on a pensé à sa famille, après à son travail, et bien plus tard à toi. Mais l'expression de nos cœurs maintenant, c'est de te dire que rien ne te remplace, rien ne prend ta place, tu as toute la place, c'est toi Seigneur, notre essentiel. Oh, dans ma vie, rien ne te remplace. Oh non, non, non, non, dans ma vie, rien ne te remplace. Toi qui m'as sauvé, rien ne te remplace. On peut m'offrir tout l'or de ce monde, mais rien ne te remplace. Dans ma vie, rien ne, rien ne, rien ne, rien ne, rien ne, rien ne te remplace dans ma vie. Oh, rien ne te remplace. Tu passes avant tout, Seigneur. Je le déclare, tu passes avant tout, Seigneur. Oh, dans ma vie, rien de rien, rien de rien, rien de rien ne te remplace. Oh, l'Église soupire après toi, l'Église a soif de ta présence. Rien que toi, Seigneur, dans nos nations, pour parvenir à la paix, à la stabilité. Oh, si nous sommes pleins de toi, nous serons moins de nous. Oh, si nous sommes pleins de toi, Jésus, nous voulons diminuer afin que tu croisses en nous. Parce que rien de rien, en place. Oh, dans ma vie, rien ne te remplace, rien ne te... Oh, que ce soit l'expression de l'Église maintenant, que de dire au Seigneur, dans ma vie, rien ne te remplace, rien ne te remplace. C'est pour cela que tu nous as rachetés. Comme les yeux des serviteurs sont tournés vers la main de leur maître, et si nos yeux sont fixés sur toi, et comme les yeux des servantes se tournent vers la main de leur maîtresse, et si nos yeux se tournent vers toi, qui siège dans les cieux. Et rien ne peut te remplacer, rien ne peut prendre ta place, rien ne vaut ta place. chantons-le. C'est toi, mon roi. C'est toi. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Je n'irai nulle part sans toi, Saint-Esprit. Je dépends tellement de toi, manifeste-toi, Saint-Esprit. Oh, manifeste-toi, Saint-Esprit. Je n'irai nulle part sans toi, Saint-Esprit. Je dépends tellement de toi, Saint-Esprit. Oh non, je ne bougerai pas jusqu'à ce que tu te réveilles. Oh non, je ne bougerai pas jusqu'à ce que tu te manifestes. Présence, je suis transformé, Seigneur. Je ne suis plus le même, plus le même. Source de vie, berger d'amour, dans ta je suis transformé, transformé. Source de vie, Reçois mon adoration. soit ma louange, Seigneur Jésus. Reçois mon adoration. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es la source. Tu es la source, Seigneur Jésus. Reçois ma louange, mon adoration. Reçois mon adoration. Tu es merveilleux, Jésus, source de vie, berger d'amour, source de vie, berger d'amour, source de vie, berger d'amour, source de vie, berger d'amour. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Au milieu de l'incertitude, au milieu de mes combats, quand ton esprit est là, je peux marcher en assurance, en comptant sur tes promesses, car ton esprit est là. J'aime ta présence, Seigneur. J'aime tes demeures, Seigneur. Car ton esprit est là. Je n'ai pas trouvé de plaisir ailleurs. Je n'ai pas trouvé de plaisir ailleurs, de confort ailleurs. Mais quand ton esprit est là, je suis rassuré. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Je me rappelle de Job, ton serviteur éprouvé par toutes sortes de difficultés. Je me souviens aussi de David, qui pouvait lui dire: tu es mon plus grand bien et mon bonheur auprès de toi. Tu es le soutien de mon cœur. Est-ce qu'on peut le déclarer ensemble? Ta présence. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Ta présence ta présence, j'aime ta présence, j'aime ta présence, j'aime ta présence, oh Seigneur, oh j'aime ta présence, j'aime ta présence, j'aime ta présence, elle me restaure. Elle me restaure, elle me restaure, elle me restaure. Ta présence, Seigneur, ta présence me fait du bien. Comment ne pas te louer? Je veux t'adorer. Et oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de ta. tout mon cœur, Seigneur. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Si je vis, Seigneur, si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis. Je vis pour t'adorer. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis. Je vis pour t'adorer. Amen. Alléluia. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Hey. Oh, oh. C'est pour